بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في السؤال 17 بعد 200. 217 question. يقول سؤال الشيخ رحمه الله تعالى: فضيلة الشيخ، جاءت الأحاديث في السنة وتواتر تواترا معنويا تذكر المهدي، ولكن سؤالي من شقين حول المهدي الحقيقي. هل يجوز لنا سؤال الله سبحانه وتعالى أن يخرج فينا المهدي؟ والشق الثاني كلمة المنتظر جاءت في كتابات إسلامية للمتأخرين تذكر المهدي المنتظر، فهل لهذا أصل؟ وجزاكم الله خيرا. Donc là il interroge le cheikh à propos de hadith qui ont été très nombreux à citer le Mahdi. Il dit par exemple, ma question est de se divise en deux. La première concernant le Mahdi réel. Le vrai Mahdi, nous est-il permis de demander à Allah Azza wa Jalla de le faire sortir? Et la deuxième partie de la question, c'est Kelimat Muntazar, attendu. Le Mahdi attendu. Muntazar, on le traduira comme ça en français. Il a dit que dans certains écrits islamiques, parmi les contemporains, on trouve justement cette nomination, Mahdi Muntazar, le Mahdi attendu. Est-ce que cela a une origine? فأجاب رحمه الله تعالى المهدي وردت فيه أحاديث انقسمت إلى أربعة أقسام. أحاديث موضوعة مكذوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاديث ضعيفة، وأحاديث حسنة، وأحاديث صحيحة بغيرها. Et il a dit que les hadiths à propos du Mahdi, il y en a eu, en effet. Ils sont de quatre sortes. Des hadiths qui sont inventés et qui sont des mensonges à l'encontre du prophète صلى الله عليه وسلم. Des hadiths qui sont faibles, des hadiths qui sont hasana, qui sont bons, et d'autres qui sont authentiques. Authentiques par d'autres, en fait. والصحيح أنه سيخرج ولكن متى يخرج يخرج إذا اقتضت حكمة الله عز وجل خروجه هنا تملأ الأرض جورا وظلما وانتبهوا لكلمة تملأ الأرض يعني لا يبقى عدل ولا إحسان. Donc il a dit ce qui est authentique, c'est que le Mahdi sortira, oui, mais il sortira quand? Lorsque Allah Azza wa Jal l'aura jugé opportun. Quand ça, hikma, c'est-à-dire par rapport à la décision d'Allah Azza wa Jal, il y en a l'attribut dans le jupa en lui-même, mais là, c'est dans le sens que, lorsque Allah jugera cela opportun. Par sa sagesse. Et à quel moment? Au moment où la terre se remplira d'injustice et de mal. D'accord? Donc il a bien précisé. Lorsqu'elle sera pleine d'injustice et de mal. C'est-à-dire qu'il ne restera plus de justice ni de bienfaisance sur terre. فَإِذَا مُلِئَتَ الْأَرْضُ جَوْرًا وَظُلْمًا وَلَمْ يَبْقَ عَدْلٌ وَلَا إِحْسَانٌ حَيْنَئِذٍ يَبْعَثُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْمَهْدِيَ يُبَيِّنُ لِلنَّاسِ الْحَقَّ وَيَدْعُوهُمْ إِلَى الْحَقِّ وَيَهْدِيهِمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى يَدَيْهِ. Donc lorsque la terre sera remplie de ce mal, qu'il ne restera plus de justice ni de bienfaisance, alors Allah fera venir le Mahdi. Et ce Mahdi clarifiera aux gens la vérité et les appellera à la vérité et Allah guidera les gens par son biais, par sa cause. هذا هو الصحيح المعتقد عندنا وللشيخ عبد المحسن العباد محاضرة في مجلة الجامعة الإسلامية أيام كان الشيخ عبد العزيز بن باز رئيسا الجامعة وهي محاضرة قيمة وحيل الأخ السائل عليها حتى يتبين له حكم خروج المهدي. Il a dit donc telle est la croyance authentique chez nous, c'est-à-dire les gens de la Sunna, par rapport à Mahdi. Et après, il a précisé que Cheikh Abdul Mohsin Al-Abed, il a une conférence donnée qu'il avait fait à l'époque à l'université islamique, lorsque c'était encore Cheikh Ben Baz qui en était le président, qui parle avec détail de la sortie du Mahdi. Donc il conseille au questionneur d'y retourner, de l'écouter, afin de pouvoir avoir un développement sur la question. يقول أما كلمة المهدي المنتظر فهذا هو المهدي الرافضة الذي يدعون أنه في سرداب في العراق وأنه حي وأنه ينتظر الفرج وأنه سوف يخرج. Donc quand au fait de dire le Mahdi attendu, ça c'est le Mahdi chez les Rafida. طيب chez les Rafida qui sont la branche extrême des chiites. Ceux qui prétendent que il est à Sirab en Irak, c'est-à-dire qu'il est déjà vivant, présent et que juste il attend l'issue pour apparaître et qu'il va apparaître. وجهالهم كما نقل عنهم السفاريني رحمه الله تعالى يخرجون في الصباح كل يوم عند هذا السرداب ومعهم فرس ورمح وماء وعسل وخبز. Et Safarani, ou Safarini, Afwan, il dit, à propos des ignorants de ces gens-là, que parmi eux, il y en a qui sortent tous les matins, tous les jours, pour se rendre dans le lieu auquel ils l'attendent, en Irak, et qu'ils s'y rendent avec un cheval, une lance, de l'eau, du miel et du pain. Tous les jours. « Kulla yomin yakoulou nantaziru khurujahu fi hada sabah » من أجل أن يفطر بالخبز والعسل والماء ثم يركب الفرس برمحه ويخرج للناس ويقاتل الظلمة. Donc il a dit, ils y vont tous les jours. Pourquoi? Car ils disent, on attend sa sortie chaque matin. Et on amène le pain afin qu'il puisse le manger, ainsi que le miel, et ainsi que boire de l'eau. Et qu'il monte justement sur la monture avec la lance, et qu'il sorte pour combattre les injustes. لأن عندهم أو أكثر أو كثير منهم أن كل الناس ظالمون حتى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ظلمة في رأيهم. Car ils ont pour croyance, ou beaucoup d'entre eux ont la croyance, que tous les gens sont des injustes. Même Abu Bakr et Omar. Et ça c'est connu que les Rafida insultent les Sahaba et les rendent mécréants, si ce n'est que un nombre infime d'entre eux. يقولون إنهم ظلموا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخذوا منه الخلافة واغتصبوها منه فهم ظلماء وليسوا خلفاء الخليفة المستحق للخلافة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. Donc ils disent à propos justement de Omar et de Abu Bakr qu'ils ont lésé Ali, qu'ils lui ont pris justement le gouvernat, hein, le califat, c'est eux qui lui ont volé, c'est eux qui le méritaient à la base. Donc ils ne sont pas eux des califes. Et le vrai calife méritant, c'est Ali, radiallahu anhu. Wa min ajab anni ra'aytu li shahr satani, comme ça, parce qu'on dirait qu'il y a deux mots. Fi kitab al-milal wa al-nihal, qawlan ajaba. قال إن أبا بكر وعمر ظلمة وإن علي ظالم أيضا لأنه لم يأخذ بإثار نفسه نسأل الله العافية. Dans ce livre, le Cheikh a dit qu'il y avait une chose surprenante également dans le livre Al-Milal wa Al-Nihal, que l'auteur rapporte que certains parmi les Rafidans sont allés jusqu'à dire que Abu Bakr et Omar sont des injustes et que même Ali est injuste car il n'a pas réclamé son droit. Donc ils diffament Ali en réalité. Et sachez-le, les Rafida ne sont pas plus de Ali que les Nasara, les chrétiens, ne sont de Isa. Ils sont tous sur le faux. Et Ali, radiallahu anhu, est innocent des Rafida. Et Ali a aimé les Sahaba. Ali a considéré Abu Bakr et Omar et Othman meilleurs que lui. Et c'est ça la Aqidah des gens de la Sunna. Sara haoula inda ashazamat dharama. لكن عامة الرافضة لا يقولون بهذا يقولون إن أبا بكر وعمر كان ظالمين مغتصبين للخلافة وإن علي ابن أبي طالب هو الخليفة. Donc il a dit justement parmi un petit groupe marginal des Rafida, ils se mettent à dire que Ali est injuste. Mais il a dit ce qui est connu chez la plupart d'entre eux, c'est que c'est juste Abu Bakr et Omar qui sont injustes car ils ont soutiré le califat Ali, c'est lui qui devait être le califat après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. يقول ولا شك أن قولهم هذا مرفوض بقول علي بن أبي طالب نفسه رضي الله عنه. فإنه صح عنه بالنقل المتواتر أنه قال على منبر كوفة خير هذه الأمة بعد نبينا أبو بكر ثم عمر. يعلنها الله يعني يعلنها رضي الله عنه وهذا تمام الإنصاف وتمام الحق والعدل منه رضي الله عنه. Donc il a dit qu'il a été rapporté que, du moins que leur parole est complètement fausse, sans aucun doute, car Ali, رضي الله عنه, comme cela a été rapporté de façon multiple, lorsqu'il était sur Minbar al-Kufa, il a dit, les meilleurs des gens après notre prophète, les meilleurs des gens de cette communauté après notre prophète, c'est Abu Bakr et Omar. Donc il l'a clairement annoncé Et cela est la pure équité. Et cela est la pure vérité et la pure justice. Il a dit les choses clairement. لكن من يدعون أنهم أتباعه خالفوا طريقة هذا في هذا. وهو قد بايع علي أبي بكر وبايع علي عمر وآزرهما وكان معهما بل قد بايع عثمان رضي الله عنه وهذا معروف في السير والتاريخ. Donc ceux qui prétendent suivre Ali se sont opposés à lui dans cet avis, dans ce fait. Car lui, Ali, comme on l'expliquait, était avec les khalifas. Mais eux prétendent que c'est Ali qui méritait le khilafa, et qu'ils lui ont volé et qu'ils étaient injustes. Ali n'était pas de cet avis-là, pas du tout. Voire même, il a dit que Ali a prêté allégeance à Abu Bakr, ainsi qu'à Omar, et les a soutenus. Il était avec eux. Et il a même prêté allégeance à Othman, radiallahu anhu. Et ça, ce qui est connu dans l'histoire. قال فإرداف كلمة المنتظر بكلمة المهدي هذه مأخوذة من الرافضة. Donc il a dit, le fait d'ajouter المنتظر, c'est-à-dire le mot attendu au Mahdi, ça c'est l'expression des Rafida. Si tu vois un jour le Mahdi attendu, المهدي المنتظر, sache que à la base c'est une expression des Rafid. Maintenant, il n'est pas impossible que certaines personnes l'ignorer et les citer également, ou que d'autres personnes ne l'aient pas forcément su. Par exemple, de moi, tu peux voir un alim sunni qui l'a employé ce terme-là. Tu vas dire, mais c'est étrange, ça, c'est le Rafida qui dit ça. D'accord? Pour différentes raisons, il se peut qu'il n'ait pas su, ou qu'il n'ait pas fait attention, ou autre, ou qu'il n'ait pas fait le tambih par rapport à ça. D'accord? Car à la base, le Mahdi, on l'attend, c'est vrai. Mais la différence qui est entre nous et le Rafida, c'est qu'eux, ils l'attendent pour faire les adorations. Pour eux, il n'y a pas de Jumu'ah, et il n'y a pas de Amr bin Ma'aruf, différentes choses, si ce n'est avec le Mahdi. C'est vrai qu'ils la disent, on l'attend. Alors que nous, on l'attend pourquoi? Pour la révélation, mais qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas, et il viendra, on continue à adorer Allah Azzawajal et obéir à faire ce qui nous a été imposé dans la religion. C'est ça la différence en fait. Ils disent Muntazir pour dire que lorsqu'il sera là, là on agira, on pourra faire des choses. Alors que nous, les gens de la Sunna, ce n'est pas ça. Voilà pourquoi ils disent Muntazir. Donc au début, ça pourrait ne pas paraître comme étant une chose que l'on pourrait critiquer. Car en effet, on attend le Mahdi. Mais nous, on n'attend pas comme eux. Et on ne l'attend pas pour les mêmes raisons qu'eux. Et comme le chien l'a dit, Allah le fera sortir au moment opportun. Et à quel moment? Lorsque la terre sera remplie de mal et d'injustice. Non. هذا الذي أخذنا اليوم من أهل السؤال والحمد لله رب العالمين.